Je demande une division qui ne paraisse pas une trop grande nouveauté, qui permette de composer avec les préjugés et même avec les erreurs, qui soit également désirée par toutes les provinces et fondée sur des rapports déjà connus. La séance est ouverte au Théâtre du Vieux Colombier à Paris avec les comédiens français. 1789, la création des départements. Les députés de 1789, qui discutent en novembre de la division du territoire, ont été élus dans le cadre du découpage de proximité du royaume, bailliage ou sénéchaussée, sans parler des prévôtés. On sait que ni à la base, ni au niveau les plus élevés, l'ancien régime n'est parvenu à l'harmonisation. Les gouverneurs ont perdu de leur ressort sans disparaître. Les intendants, qui ont le vent en poupe, n'ont pu faire oublier partout les vieilles provinces. Dans celles dites d'État, comme la Bretagne, les antiques assemblées requinquées n'ont cessé de faire entendre leur voix contre la politique de Louis XV, puis de Louis XVI. Au comité de constitution de 1789, une tentation forte est donc d'appliquer un cartésianisme un peu mécanique à ce pays multiple. 80 départements, bien carrés, et administré pareillement, devrait parvenir à faire de cette société rétive une famille, enfin une. Mirabeau, en vain, va défendre une idée plus géographique. Il faudrait tout de même, dit-il, tenir compte de ce que fut l'action des hommes dans leur espace. La préoccupation de Mirabeau est aussi moins administrative que politique. Il faut des départements plus divers et des communes plus grandes, en revanche. Et la coïncidence des représentés et des représentants sera mieux assurée. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Les séances de novembre consacrées à ce sujet ont été restituées par Isor Pisani-Ferry. Elles seront interprétées par nos compagnons de la Comédie française. Jérôme Pouly sera Mirabeau. Gilles David sera Touret, l'artisan géométrique du comité de constitution. Benjamin Laverne sera Pèlerin, le porte-parole enflammé de la spécificité bretonne, fortement rassemblée ici. Et Alain Langlais sera Target, le Parisien. Et dans la salle, Alexis Chevalier et Grégoire Roqueplot. La séance est présidée par Monsieur Camus, qui dit « La parole est à Monsieur Jacques-Guillaume Touret, rapporteur du comité de constitution. » Merci, Monsieur le Président. Monsieur, depuis longtemps, les publicistes et les bons administrateurs désirent une meilleure division territoriale du royaume parce que toutes celles qui existent sont excessivement inégales et qu'il n'y en a aucune qui soit raisonnable et commode. Tout le monde sans combien, dans un vaste empire, il importe pour la bonne surveillance des administrateurs, pour la facilité des gouvernés, d'avoir des divisions de territoire à peu près égales et d'une étendue calculée sur celle qui convient au meilleur exercice des différents pouvoirs. Le plan que propose le comité présente 80 divisions nouvelles, chacune composée d'une étendue de 324 lieues carrées. Cette division en 80 départements donne lieu à de bonnes subdivisions intérieures, puisque chacune fournit 9 districts de communes qui se fractionnent encore chacun en 9 cantons. Distribution heureuse, sur laquelle on pourra, avec le temps, établir le mécanisme facile de toutes les parties du régime intérieur de chaque administration. Il semble au premier coup d'œil qu'il n'y a pas d'objection qui puisse balancer tant d'avantages. Vous changez les anciennes divisions des provinces. Vous les anéantissez en confondant leurs territoires. Mais non. Et quand cela serait-il? Quel inconvénient en résulterait? Puisque le gouvernement est devenu national et représentatif, puisque tous les citoyens y concourent, puisque les lois, les impôts et les règles d'administration vont être les mêmes dans toutes les parties du royaume. La parole est à monsieur Joseph Pellerin, député de la Sénéchaussée de Nantes. Messieurs, votre comité de constitution vous a présenté un plan qui embrasse sous un seul point de vue toutes les parties de ce vaste empire, qui n'en fait qu'un tout homogène, qui, faisant disparaître les inégalités morales, civiles et politiques qui distinguent encore les différentes provinces de France, successivement conquises, échangées, données ou réunies, les soumettra toutes à un seul et même régime. Messieurs, je suis persuadé que ce nouveau partage du royaume ne peut y produire que le trouble. Le plan proposé par le comité peut convenir peut-être aux provinces qui n'ont jamais eu d'administration particulière. Trop longtemps livrées au despotisme et souvent aux caprices d'un commissaire plus souverain dans son département que le monarque lui-même, les provinces d'élection, restituées à leur première liberté, consentiront probablement à un nouveau plan d'administration. Mais en sera-t-il de même des provinces d'État qui ont toujours eu le droit d'avoir une administration particulière? La province de Bretagne, par exemple. Merci. Merci, chers amis bretons. La province de Bretagne, par exemple, dont j'ai l'honneur d'être un des représentants, consentira très certainement au nouvel ordre politique et civil que l'Assemblée nationale établira pour la prospérité du royaume. Mais très probablement aussi, cette province ne consentira que très difficilement à perdre ses états, plus anciens dans l'Armorique que l'établissement des Francs dans les Gaules, et à partager leur administration en 5, 7 ou 8 administrations supérieures. La Bretagne a de grands besoins qui exigent de grandes ressources. Et ces ressources n'existeront plus dans un état de division qui isolera chaque partie détachée du tout. La Bretagne a des travaux considérables à supporter, auxquels l'expose sa situation sur la mer. Des quais et ports, des ponts et chaussées, sa navigation intérieure, son commerce, les encouragements qu'il demande, les débouchés nécessaires, les grands chemins, tous ces objets demandent une administration générale. Diviser la province en 5 ou 7 départements, les uns seront en état de fournir aux dépenses qui leur seront relatives, les autres n'en auront pas la faculté. Et dès qu'ils seront étrangers les uns aux autres, aucun de ces départements ne voudra venir au secours d'un autre département. Ainsi, une partie de la même province sera dans une situation florissante, pendant qu'une autre sera dans un état de négligence et d'abandon. Non, la division d'une province en plusieurs districts ne la désunit pas plus que les autres divisions en diocèses, en généralité, en bailliage, en élection, entre lesquelles son territoire est partagé actuellement. La forme de division que le plan du comité voudrait suivre est vicieuse. Je sais bien qu'on ne couperait ni maison, ni clocher, mais on diviserait ce qui est encore plus inséparable. On trancherait les liens que resserrent depuis si longtemps les mœurs, les habitudes, les coutumes, les productions et le langage. Dans ce démembrement universel, chacun croirait perdre une partie de son existence. La parole est à monsieur Martin, député du bailliage de Besançon. Pour rendre l'administration plus facile, il convient sans doute de diviser quelques provinces en plusieurs chefs-lieux, je le sais. Nos grandes provinces peuvent être susceptibles de cette partition. La Bretagne, la Normandie, le Poitou, le Languedoc. Mais la Franche-Comté, l'Alsace, la Provence et en général nos provinces médiocres ou petites ont-elles besoin d'être hachées par 18 lieues sur 18 ? Laissons donc ces provinces de second ordre comme elles sont, et si vous voulez diviser, ne divisons que les grandes masses. Messieurs, je donne de nouveau la parole à monsieur Touret, rapporteur du comité de constitution. Merci, monsieur le président. Sans doute, messieurs, il serait désirable que l'Assemblée pût faire ce mal imaginaire qu'on reproche au plan du comité d'anéantir les provinces en les divisant pour acquérir le bien réel de détruire l'esprit de province qui n'est dans l'État qu'un esprit individuel, non, ennemi du véritable esprit national. Non, non, non. Si son influence nous domine ici, nous ne ferons pas, ou ce qui est pire peut-être, nous ferons mal la Constitution. Voyons, Monsieur Touret, vous savez bien que l'opinion publique n'a pas encore assez préparé ce grand changement pour oser le tenter avec succès. Non, Monsieur Mirabeau, il ne faut jamais s'effrayer d'entendre fronder d'abord ce qui s'écarte des habitudes anciennes. Au surplus, si les préjugés de deux ou trois provinces devraient l'emporter sur le bien général de tout le royaume, si les partis ne devaient pas céder raisonnablement au tout, ou si la nation encore n'avait aucune autorité sur ses membres, il n'y a point ici d'association politique, point de corps législatif, point de régénération à espérer, point de constitution à faire. Disons le mot, nous ne serions point une assemblée nationale. Lorsque les provinces isolées avaient des droits et des intérêts particuliers à défendre contre le despotisme, chacune désirait avec raison d'avoir son corps particulier d'administration et de l'établir au plus haut degré de puissance et de force qu'il était possible. Mais toutes les provinces sont maintenant associées en droit et en intérêt, et la liberté publique est assurée par la permanence du corps législatif. Ne désespérons pas que le jour viendra où l'esprit national, étant mieux formé, tous les Français réunis en une seule famille, n'ayant qu'une seule loi et un seul mode de gouvernement, abjureront tous les préjugés de l'esprit de corporation particulière et locale. La Constitution doit prévoir, provoquer et faciliter ce bon mouvement qui rendra la nation française la première et la plus heureuse nation du monde. Craignons donc d'établir des corps administratifs assez forts pour entreprendre de résister au chef du pouvoir exécutif et qui puisse se croire assez puissant pour manquer impunément de soumission à la législature. Messieurs, cette crainte est chimérique. Quelque considérable que puisse être une administration de province, elle ne sera jamais en état, quand elle oserait le tenter, de résister à l'autorité légitime du pouvoir exécutif et de se soustraire aux volontés de la nation entière. Messieurs, la Bretagne est soumise à vos sages décrets. L'esprit de province est aujourd'hui l'esprit national, puisqu'il n'existe plus de véritable autorité que dans la nation. Je ne réclame pour ma province qu'une administration subordonnée à la nation et sous la surveillance continuelle et immédiate de l'Assemblée permanente qui la représentera. Mais ne la divisez pas. Ne la divisez pas. Que le corps législatif donne aux provinces de l'énergie, ou du moins qu'il conserve à celles qui en ont, cette force politique, cette ressource puissante qui a préparé le bonheur de la France. Merci. Et de toute façon, la division proposée est impraticable par les obstacles physiques qu'elle rencontrera. Monsieur, si quelqu'un a pu croire que la division s'exécuterait par carré géométrique parfait qui ferait de la surface du royaume un échiquier, il a dû regarder que les montagnes, les fleuves, les villes existantes ne permettraient pas, en effet, de tirer de l'est à l'ouest de la France et du nord au midi des lignes parfaitement droites. Mais puisque l'exécution n'est pas cela, et que les sinuosités nécessaires que le local ou la convenance économique occasionne sont observées et n'empêchent pas la division, cette objection s'évanouit. Oui, mais c'est vainement que vous essayez de corriger les inconvénients de votre plan. La forme en est vicieuse, et ces palliatifs ne servent qu'à montrer qu'en s'écartant des principes, on est obligé de multiplier les ressorts et de compliquer les mouvements. La parole est à Monsieur le Comte de Mirabeau, député de la Sénéchaussée d'Aix-en-Provence. Merci, Monsieur le Président. Certainement, messieurs, il faut changer la division actuelle par province. Parce qu'après avoir aboli les prétentions et les privilèges, il serait imprudent de laisser subsister une administration qui pourrait offrir des moyens de les reprendre. Il le faut encore parce qu'après avoir détruit l'aristocratie, il ne convient pas de conserver de trop grands départements. L'administration y serait par cela même nécessairement concentrée en très peu de mains, et toute administration concentrée deviendrait bientôt aristocratique. Mais si je suis le principe du comité de constitution, je suis bien éloigné d'en approuver toutes les conséquences. Je voudrais une division propre aux localités, aux circonstances, et non point une division mathématique, dont l'exécution paraît impraticable. Je voudrais une division dont l'objet ne fût pas seulement d'établir une représentation proportionnelle, mais de rapprocher l'administration des hommes et des choses, et d'y admettre un plus grand concours de citoyens, ce qui augmenterait sur le champ des Lumières, c'est-à-dire la véritable puissance. Enfin, je demande une division qui ne paraisse pas une trop grande nouveauté, qui permette de composer avec les préjugés et même avec les erreurs, qui soit également désirée par toutes les provinces et fondée sur des rapports déjà connus. D'après ces principes, j'ai à vous proposer un plan très simple. Au lieu de 80 départements, je voudrais en former 120. Permettez-moi de m'expliquer. En augmentant ainsi le nombre des grandes divisions, il en serait plus nécessaire d'avoir des communes, que je regarde comme un intermédiaire inutile. On communiquerait ainsi directement des villes et des villages au chef-lieu de département, et de chaque département au pouvoir exécutif et à l'Assemblée nationale. Il y aurait alors plus d'unité, plus d'ensemble, et la machine serait beaucoup moins compliquée. Le nombre des départements doit être augmenté afin de rapprocher de plus en plus les représentants des représentés. En multipliant les départements, on pourra accorder à un plus grand nombre de villes l'avantage d'être chef-lieu et ouvrir à un plus grand nombre de citoyens la carrière des affaires publiques. Ces avantages, messieurs, infiniment précieux, doivent l'emporter sur le léger inconvénient d'avoir quelques bureaux et quelques agents de plus pour correspondre avec un plus grand nombre de départements. Le but de la société n'est pas que l'administration soit facile, mais qu'elle soit juste et éclairée. Non, Monsieur Mirabeau, soyons sérieux. Si je cherche quels avantages on peut trouver à la division de 120 départements pour la préférer à celle de 80, j'avoue qu'il m'est impossible de les reconnaître. Alors, très certainement, 120 districts administratifs réduirait chaque administration à de trop petits ressorts. L'étendue fixée par le comité paraît le dernier terme possible du rétrécissement des districts administratifs. Monsieur Touret, j'observe que la division que j'ai proposée n'est que d'un tiers moins forte que celle que l'on m'oppose. Qu'importe que deux provinces aient 10 divisions ou qu'elles n'en aient que 7. Il est très vrai que je multiplie davantage les divisions de chaque province et en cela, je crois détruire plus efficacement l'esprit de ces grands corps. Mais je m'exposerai moins à réunir les citoyens d'une province avec ceux d'une autre. J'aurai moins de grandes fractions, je blesserai moins d'intérêts et j'arriverai au même but. Je donne la parole à Monsieur Jean-Baptiste Target, membre du comité de constitution et député de Paris. Messieurs, les difficultés communes à tous les systèmes de division du royaume ne peuvent être alléguées contre aucun. Je m'explique. Presque personne, ce me semble, n'a cru pouvoir vous proposer de laisser le royaume dans l'état actuel de ses divisions par province et de donner, par exemple, une seule administration supérieure à toute la Champagne, une seule à toute la Lorraine et une administration pareille au pays d'Aunis. Nous nous accordons tous à sentir la nécessité d'une division nouvelle. Cela posé, il faut écarter les objections qu'on tire de l'inconvénient de subdiviser les provinces, car dans tous les systèmes, elles seront subdivisées. Maintenant, est-ce arbitrairement que votre comité croit que la division en 80 parties est la meilleure? Non, messieurs. Voici ce que nous avons voulu. C'est que de tous les points d'un département, on puisse arriver au centre de l'administration en une journée de voyage. Or, tel est l'avantage que cette division nous procure le plus généralement. Si l'on m'oppose des départements qui seraient plus longs que larges, des départements dont le chef-lieu ne sera pas au centre, je répondrai qu'il s'agit de savoir non si son exécution est infaillible, mais si le grand nombre y trouve sa commodité. Il est commun à tous les systèmes d'administration que les règles soient heurtées par les circonstances. Et cependant, tous les systèmes d'administration doivent reposer sur des règles. Tel citoyen ne jouira pas du bien qu'on a voulu lui faire. Mais la masse des citoyens en sera plus heureuse. Et chacun sait que c'est là le seul succès auquel il soit permis d'aspirer. Monsieur le comte de Mirabeau, vous avez de nouveau la parole. Si le comité a voulu rendre les départements égaux, il a choisi précisément la mesure la plus propre à former une inégalité monstrueuse. La même étendue peut être couverte de forêts et de cités. La même superficie présente tantôt des landes stériles, tantôt des champs fertiles, ici des montagnes inhabitées, là une population malheureusement trop entassée. Si c'est pour les hommes et non pour le sol, si c'est pour administrer et non pour défricher qu'il convient de former des départements, c'est une mesure absolument différente qu'il faut prendre. À cet égard, l'étendue n'est rien et la population est tout. Ce n'est point par des surfaces égales qu'il s'agit de procéder à la division, car ce n'est point d'une manière égale que la nature a produit la population. Parfaitement ! Bravo ! Parfaitement ! Car à en croire le plan du comité, on ne voit point, par exemple, pourquoi le lac de Genève, s'il était compris dans une des provinces de France, serait privé de ses représentants. Supposons l'exactitude du calcul du comité sur la population de la France qu'il porte à 26 millions d'âmes. Je propose de diviser le royaume en 720 grandes communes d'une population à peu près égale de 500 ou 600 000 âmes. Franchement, je trouve que cette méthode me paraît la plus vicieuse de toutes. Non, car former un département de 500 ou 600 000 âmes, c'est coalitionner autant de lieux et de communes qu'il en faut pour trouver ce nombre d'hommes. Il faudrait donc joindre au pays voisin celui qui n'aura pas cette somme de population, ou une partie de celui qui aura une population excédente. Il faudrait donc violer les limites actuelles, franchir les montagnes, traverser les fleuves et confondre, comme on nous l'a tant reproché, les habitudes, les coutumes et les langages. J'ajouterais qu'un tel plan a cet autre inconvénient réellement intolérable, de n'établir la division des départements que sur la base variable de la population. De sorte qu'il serait nécessaire d'étendre ou de resserrer alternativement les limites territoriales de chaque département, suivant qu'il deviendrait plus ou moins peuplé. C'est un grand mal d'obliger de retravailler, d'époque en époque, tout le terrain du royaume. Messieurs, il y a deux manières de donner à la population toute l'influence politique. L'une, d'avoir des espaces inégaux, également peuplés, qui exerceront la même influence. L'autre, d'avoir des espaces égaux, inégalement peuplés, qui influeront d'une manière inégale. Laquelle des deux méthodes est préférable? Les divisions, une fois établies, doivent avoir de la fixité. Un grand mouvement est aujourd'hui nécessaire. On ne doit pas l'économiser cette première fois. Mais la Constitution, une fois faite, c'est le repos qu'il faut obtenir. La population varie. L'industrie croît ou diminue. La culture et les produits prospèrent ou dépérissent. Fondez vos divisions sur ces bases mobiles et vous devrez renouveler vos départements d'époque en époque. Un pays deviendra moins fertile et moins peuplé. Il enverra moins de représentants. Un autre deviendra plus riche, plus habile. Il en enverra davantage. L'administration ne changera pas. Une assez bonne singularité, c'est qu'on ait pensé à trouver les provinces jamais assez faibles, assez petites, et jamais Paris trop gros. Et voilà. Paris, Paris a une population plus forte que ma province. Eh bien, dans le plan du comité, Paris restera Paris. Paris sera à lui seul une province. Paris n'aura qu'une assemblée administrative, ou même point du tout, si cela lui convient. Et ma province sera coupée, divisée en trois. Rien ne doit plus donner profondément à penser aux députés des provinces que cette hachure qu'on en fait jusqu'à les porter à 120, tandis que Paris reste dans son intégrité première, dans sa colossale énormité. Oui. Mais que craignez-vous? Que craignez-vous? L'esprit de la capitale? Vous oubliez que la liberté fait renaître l'esprit public. D'ailleurs, si les intérêts les plus malentendus mettaient en opposition les vues de la capitale et celles des provinces, les députés de Paris trouveraient des contradicteurs dans tous les députés provinciaux. Un esprit commun réunirait ceux-ci contre les prétentions de cette grande cité. Et dans ce choc inégal, si quelque chose était à craindre, c'est que Paris, toujours seul, toujours combattu par tous, n'eut pas la force de se défendre. Messieurs, je propose maintenant d'aller aux voix. La première question est ainsi posée. Fera-t-on une nouvelle division du royaume, oui ou non? Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Le décret est pour l'affirmative. La seconde question est conçue en ces termes. Les départements seront-ils au nombre d'environ 80? Oui ou non? Quel que soit le nombre de départements, je demande qu'il soit dit que la Corse formera un département séparé. Oui, monsieur Salicetti. Je procède. Je procède au vote oui ou non. Oui. L'article est admis. En décembre 1789, le choix est fait de la division département autour de 80. Le balancier se portera en 1790 sur le nombre de 81. Mais, en même temps, la décision est prise de conserver les paroisses en les transformant en communes. Une structure historique ancienne est donc maintenue en dépit des séductions de la géométrie. Quant à l'échelon régional, fort ancien lui aussi à certains égards, on peut le faire remonter à l'époque romaine. Il va survivre comme souvenir ou bien comme horizon jusqu'à réapparaître à la fin du XXe siècle. C'est dans ce cadre que nous sommes appelés à voter dimanche. De la France où la fixité des divisions n'est pas assurée, on peut dire qu'elle se définit un peu comme votre chère comédie française. Simul et singulis. C'était pour saluer nos amis du français qui interprétait cette discussion de novembre 1789 au théâtre du Vieux Colombier, Gilles David, Jérôme Pouli, Benjamin Laverne, Alain Langlais, dans la salle Alexis Chevalier et Grégoire Roqueplot, à la technique Étienne Leroy, Benoît Gaspard, Hervé Dubreuil, à la réalisation Stéphane Ronxin et la préparation du texte a été assurée par Isor Pisani-Ferry. La marge de l'histoire, France Inter remercie aussi, bien sûr, l'équipe du Vieux Colombier. Merci Jean Lebrun, merci à vous. On vous retrouve demain pour une émission sur le découpage du territoire des départements. C'était encore en 1789.